Cha Sang-bon, vice-président de l'Association générale des Coréens en Chine, a déclaré dans son entretien du 4 janvier de s'engager activement dans la lutte pour ouvrir l'âge d'or du mouvement de réunification nationale. Il a dit notamment « Le message de nouvel an du dirigeant suprême Kim Jong-un donne certitude et optimisme en la réunification du pays à tous les compatriotes et les invite dynamiquement à la lutte patriotique pour la réunification. » L'Association générale des Coréens en Chine et tous les autres Coréens en Chine rempliront leur mission assignée devant l'époque et la nation pour ouvrir cette année une large voie à la réunification indépendante, suivant les tâches de programme présentées par le maréchal dans son historique message de nouvel an. Par ailleurs, le président de la filiale américaine du Comité d'Outre-mer pour l'application de la Déclaration commune du 15 juin a lancé un écrit invitant à participer au mouvement pour la réunification du pays.